Vous écoutez France Culture. Troisième temps de notre semaine consacrée à l'histoire de l'Indochine et du Vietnam à l'occasion du début de l'année du Vietnam en France. Après avoir écouté les récits d'un monde disparu, celui de l'Indochine française avant Dien Bien Phu, récit rapporté dans le livre que vient d'écrire Jacques Chancel, qui fut jeune producteur pendant 8 ans à Saïgon sur les ondes de Radio France Asie, c'était lundi. Puis hier, tenter de renouer le fil de la vie d'un Indochinois de France dans les années 30 et jusqu'aux années 60, et avant demain de nous plonger dans les 17e et 18e siècles de cette péninsule et de ses relations avec le reste du monde. Nous allons ce matin nous promener dans une exposition importante du musée de l'armée à Paris qui dure jusqu'à la fin de cette semaine, Indochine 1856-1956. En compagnie du lieutenant-colonel Christophe Bertrand et de Séverine Yattard de la Fabrique de l'Histoire, Christophe Bertrand a conçu cette exposition. Nous allons cheminer de l'avant-révolution française jusqu'aux années 1930 à la recherche des rapports précoloniaux puis coloniaux entre la France et l'Indochine. Comment justement la France est-elle intéressée à cette région du monde? Pourquoi s'est-elle intéressée à cette région du monde? Que comptait-elle faire là-bas? Quel rapport ont eu les colonisateurs avec les colonisés? Voici quelques-unes des questions que nous allons poser lors de cette balade dans l'exposition Indochine 1856-1956 au musée de l'armée. Balade que nous entamons par une promenade, en l'occurrence une promenade dans les archives. Un extrait du film EVA 51 réalisé par le service cinématographique aux armées. C'était en 1951. Cette vue aérienne découvre à 150 km au nord de Saïgon une immense plantation de 15 000 hectares dirigée par une poignée de 30 Français. Au Cambodge et en Cochinchine, cette forêt d'EVA couvre 90 000 hectares et plus de la moitié de cette superficie est actuellement exploitée. Malgré la guerre et les difficultés qu'elle entraîne, les plantations sont organisées d'une façon rationnelle. Tout gravite autour de cet arbre saigné qui laisse échapper goutte à goutte un lait blanc, le latex. An Lok est un des 11 villages de ce groupe de plantations. Ici, les villageois disposent d'un point d'eau fraîche et filtrée. Grâce à un système de drainage, cette eau ne tarit jamais et le paludisme a disparu. Chaque village possède une école. Grâce à cette activité, des villages heureux et prospères ont pu s'établir. Bonheur, prospérité, longévité. Des projets hardis se réalisent et sur ce terrain sera construite une nouvelle centrale électrique. Là, de vieux arbres ont été arrachés, le sol labouré, de jeunes arbres récemment plantés. Et ce petit EVA, riche de promesses, produira du latex dans 8 ans. De notre semaine consacrée à l'histoire de l'Indochine et du Vietnam. Avec vous, Séverine Yattard, bonjour. Bonjour. Et avec vous, lieutenant-colonel Christophe Bertrand. Bonjour. Vous êtes commissaire de l'exposition qui se termine au musée de l'armée dans quelques jours. Donc, une exposition qui s'appelle Indochine, des territoires et des hommes, qui fait suite à une autre exposition aussi sur un autre territoire colonial qui avait eu un certain succès, ici au musée de l'armée à Paris, aux Invalides, qui était consacrée à l'Algérie. Quelle différence faites-vous entre cette exposition sur l'Indochine et celle sur l'Algérie d'il y a quelques mois? La différence, elle se fait par l'histoire de ces deux colonies. On a une colonie qui devient un département, qui est très proche de la France, où la France a énormément investi, où la France est présente par sa population, plus de 900 000 pieds noirs qui viennent aussi de l'ensemble du bassin méditerranéen. Et l'Indochine, qui est une colonie, elle, qui est loin, très loin de la métropole. Il faut 30 jours en bateau pour y aller, 4 jours en avion pour la rejoindre. Et avec une présence française peu nombreuse. Il faut savoir que dans les années de l'entre-deux-guerres, il n'y a que 30 000 Français qui sont présents en Indochine. Donc voilà, ces deux rapports font que quand on aborde cette histoire, on l'aborde de manière un peu différente et avec peut-être avec l'Indochine plus de recul, plus de tranquillité entre guillemets qu'avec l'Algérie où c'est une histoire qui est très forte. Moins passionnelle peut-être ? moins passionnel, puisque l'Algérie, comme je vous l'ai dit, c'est énormément de pieds noirs, c'est énormément de militaires qui ont combattu. C'est aussi une immigration importante d'Algériens vers la France. Voilà, donc c'est des enjeux qui sont forts, des enjeux mémoriels qui sont forts, qui sont parfois pesants, qui sont lourds et qui déchirent un petit peu encore, même si on sent qu'il y a une évolution positive de cette histoire. Séverine. Juste Christophe Bertrand, donc vous avez choisi de cette exposition, elle est en quatre parties, hein, vous la présentez, donc on chemine de 1856 à 1956. Juste, alors nous, on ne va pas cheminer tout au long de l'exposition, on va surtout se préoccuper de la première partie. Juste, voilà, nous dire en gros ces quatre grandes parties que vous avez choisi de traiter à travers donc l'exposition d'objets. Vous nous direz aussi quel type d'objets peut-être vous avez recueilli pour parler de ce moment d'histoire. Alors ce moment colonial, on l'a construit dans un premier temps à partir des objets du musée d'armée qui constituent l'ossature principale donc de ce qu'on présente dans cette exposition, bien entendu avec des apports d'autres musées, en particulier le musée du Quai Branly, le musée de la Marine, les archives d'outre-mer, les archives du service historique de la Défense, les archives de la BNF, d'autres musées d'institutions militaires comme le musée des troupes de marine, le musée de la Légion étrangère, donc une multitude d'objets. Puisque l'essentiel d'une exposition au musée de l'armée, c'est de, à travers nos objets, raconter un fait militaire. Et là, on raconte le fait militaire dans une histoire coloniale qui s'échelonne donc de 1856 à 1956, avec une période qui est marquée dans un premier temps, qui précède l'occupation physique de ce pays par des enjeux économiques, religieux, où la France est présente. La France tisse des liens diplomatiques avec cette partie du monde. Après, c'est un engagement important qui commence par la Cochinchine, avec une flotte la marine qui est destinée à mener une expédition avec les Anglais en Chine et qui se détourne sur l'Indochine. Donc cette marine qui va s'installer, qui va construire progressivement l'Indochine à partir de la Cochinchine en tissant des liens avec le Cambodge, qui déboucheront sur un protectorat. Bref, donc c'est ce cœur de la colonie indochinoise qui est la Cochinchine, va progressivement donc s'étaler vers le nord, et c'est la deuxième partie de cette grande deuxième partie où là on parle de la conquête du Tonkin et des combats contre la Chine. C'est aussi l'évocation des débats autour de la question coloniale qui a divisé les Français, une partie des Français, en particulier la classe politique au début de la Troisième République. Puis après on aborde le fait militaire à travers l'histoire de cette colonie pendant l'entre-deux-guerres, où là on est dans une sorte de période où il y a un paroxysme de la colonie, c'est-à-dire on est dans un à partir des années 30, dans une glorification de l'action coloniale française et la présence coloniale française. Et puis après, la dernière partie, là où on évoque bien entendu le déclin et la fin de l'Empire français à travers donc la Seconde Guerre mondiale, puis la guerre de Chine. Alors, vous disiez, en l'occurrence, Christophe Bertrand, que la question, c'était de partir pour ce type d'exposition au musée de l'armée des objets. Vous faites une introduction dans le catalogue qui accompagne cette exposition, très intéressant catalogue, il faut le conseiller à nos auditeurs. Donc, vous faites une introduction sur le fait que ces objets ont été ramenés comme des trophées. Ce sont des objets de victoire, des objets de vainqueurs qui conquièrent un nouveau territoire et qu'il faut les historiciser, ces objets, c'est-à-dire les transformer en objets d'exposition, en objets de musée, en objets d'histoire. Comment peut-on faire justement dans un musée comme celui-ci, le musée de l'armée, pour passer de l'un à l'autre de ces deux statuts ? Alors on est passé au sein du musée de l'armée en schématisant d'un musée d'objets à un musée d'histoire. Ces objets autour de la conquête coloniale, la conquête de l'Indochine, ces objets ont été acquis, ont intégré les collections en 1885 au moment du début de la conquête, de la pacification du Tonkin, et étaient présentés comme des trophées pour un petit peu expliquer la geste coloniale à un moment où la France, après la défaite de 70, se cherche et essaie de retrouver un petit peu d'élan. Donc ces objets voilà, font partie d'une présentation qui est très glorifiante. En même temps, on rappelle aussi la bravoure des vaincus, mais on est là pour un petit peu donner à la geste militaire française tout son écho. Et puis progressivement, donc, ces objets vont un petit peu disparaître des collections, réapparaître dans le cadre de la modernisation du musée, mais c'est surtout à partir de l'exposition Algérie, l'exposition Indochine, où ces objets ont trouvé leur place, non plus qu'en tant que trophée, mais en tant que témoignage de l'autre, témoignage du combat que les autres ont mené contre la conquête de la France par la France de leur pays. Donc voilà, on est là pour expliquer à travers ces objets une histoire commune qui est partagée, une histoire violente, une histoire parfois de temps en temps pacifiée, mais qui reste quand même marquée par une opposition qui se fait du début jusqu'à la fin. C'est vrai. Il faut préciser, Christophe Bertrand, que dès la conquête, des musées sur place, en fait, sont instaurés, enfin, par certains colons qui sont là-bas, enfin, colons ou militaires. On commence à recueillir des objets, et même au-delà de ça, certains objets vont même être pillés. Donc certains restent sur place, certains sont même exportés pour montrer tous les bienfaits de la colonisation. Enfin, il y a déjà tout un arsenal idéologique autour de l'objet de conquête. Tout à fait. Alors c'est surtout des objets à la fois donc des prises de guerre qui sont exposés sur place et exposés en France, et aussi tous les objets autour de la civilisation et en particulier la civilisation khmère. En fait, c'est un petit peu comme je le rappelle souvent, un petit peu comme la campagne d'Égypte. C'est une description, c'est-à-dire qu'on essaye de d'épuiser le territoire, de refaire renaître une civilisation, de présenter en fait l'action scientifique de la France. Et de présenter aussi les territoires qu'elle maîtrise. Donc, ce sont des objets qui, bien sûr, il y a eu la création du musée historique d'Hanoï, où on présente la civilisation vietnamienne, cambodgienne, laotienne. On présente, mais tout ça sous la férule de la France, avec une orientation scientifique menée par les spécialistes français. Alors, on en parle de ces objets, il faut maintenant les décrire. Rendons-nous dans le début de cette exposition, Christophe Bertrand. Alors, nous voici dans l'entrée de cette exposition, donc Indochine au musée de l'armée, avec vous, Christophe Bertrand, pour cette deuxième partie de notre émission d'aujourd'hui. Donc, et nous sommes devant une galerie de portraits de la fin du XVIIIe siècle, tout début du XIXe siècle. Alors, quand on se souvient de la conquête indochinoise, on se dit, mais attendez, on parle plutôt de la fin du XIXe siècle. Pourquoi avoir décidé de commencer cette exposition sur la fin du XVIIIe siècle, en l'occurrence, Christophe Bertrand? Alors, à la différence qu'on avait fait avec l'Algérie, on avait débuté dès 1830. On n'avait pas évoqué les relations que la France avait pu entretenir avec cette partie du monde qui appartenait à l'époque à l'Empire ottoman. Avec l'Indochine, on a voulu expliquer un petit peu avant d'entrer dans la phase coloniale à proprement dite, expliquer que cette partie du monde était quand même en lien avec la France, qu'on avait entretenu des liens diplomatiques, qu'il y avait des liens religieux forts à travers, bien sûr, la présence des jésuites, la présence des missionnaires, des missions étrangères de Paris, donc qu'il y avait une connaissance et des relations mutuelles. Et en plus, on est dans une phase où progressivement les Européens, les Portugais, les Hollandais, les Anglais investissent cette partie du monde. Donc les Français, bien sûr, suivent aussi ce mouvement historique. Et même si elle ne s'est pas implantée comme a pu s'implanter l'Angleterre ou la Hollande, on essaye progressivement de trouver notre place dans cette partie du monde. Donc soit en envoyant des missionnaires, soit en envoyant des conseillers, et en particulier des conseillers militaires auprès de la cour de Djalong. Alors on est face à un portrait important, celui de Pignot de Béhaine, évêque d'Adran, vicaire apostolique de Cochinchine, qui joue un rôle essentiel juste avant la Révolution française dans ce rapprochement. Il y a là un conflit entre deux dynasties qui se bagarrent pour cet espace indochinois dans ces années de l'avant-Révolution française. Donc, et ces deux dynasties, les Français vont choisir d'en soutenir une, en l'occurrence, celle d'Nguyen, qui va prendre finalement le pouvoir au tout début du XIXe siècle. Et Pignot de Béhaine, que nous avons ici, évêque d'Adran, joue un rôle considérable justement dans ce rapprochement entre la dynastie des Bourbons et la dynastie donc finissante, et la dynastie d'Nguyen qui va finir par s'installer sur le trône impérial. Alors oui, ce portrait vient des missions étrangères de Paris, avec le portrait du prince Khan. Donc là, voilà, il y a, ça fait partie de ces personnages qui ont marqué l'histoire de l'Indochine, avec une dynastie du Nord, les Taizong, qui investissent l'essentiel, une grande partie du Vietnam. Et donc les Nguyen se regroupent autour de Saigon. Et bien entendu, il faut une aide importante. Donc c'est à partir de cette mission menée par Pinault de Mayenne auprès du roi de France, la cour de Versailles, qu'on va chercher cette aide matérielle, cette aide militaire importante. Vous avez repris d'ailleurs un des propos de Pinault de Béhaine, Monseigneur Pinault de Béhaine, dans son mémoire en faveur d'un établissement en Cochinchine, une autre mise au compte de Montmorin en 1787 sur un des murs de cette exposition. Un établissement français à la Cochinchine donnerait le moyen certain de contrebalancer la grande influence de la nation anglaise dans tous les gouvernements de l'Inde, de dominer toutes les mers de Chine et dans les archipels, de se rendre maître enfin de tout le commerce dans cette partie du monde. Donc il y a une ambition impériale, évidemment, commerciale, bien évidemment, et de contrebalancement de la puissance anglaise, en particulier dans cette région du monde. Oui, voilà, c'est-à-dire qu'on on profite de ce personnage, Pinault de Béhaine, pour, avec sa volonté à la fois d'aider la dynastie Nguyen et en même temps d'amener la France dans cette partie du monde, puisque le XVIIIe siècle est quand même une époque importante pour cette partie du grand sud-est asiatique, où, comme je vous l'ai dit, il y a une concurrence entre les Anglais et les Français, entre les Anglais et les Hollandais. Et il y a le marché aussi, le marché chinois qui commence à intéresser les Européens. Donc il y a une nécessité à la fois, en profitant des difficultés que connaissent la dynastie Nguyen, de profiter de l'aide qu'on apporte à cette dynastie pour s'installer. Sébrine. Donc on comprend bien que voilà, l'Occident est en train de se partager le reste du monde. Alors si on se tourne, Christophe Bertrand, alors là il y a aussi également des cartes qui dès le XVIIe siècle essayent un petit peu de représenter cette partie de l'Asie. Les cartes, c'est un enjeu important. Celui qui maîtrise les cartes maîtrise une région. Donc là, on a l'espace. Donc là, on a deux cartes, à la fois une carte hollandaise qui est centrée sur la partie nord de l'Indochine et une carte plus globale de l'Indochine réalisée par les jésuites. Donc c'est cette connaissance à la fois des marins et à la fois des jésuites qui ont une connaissance plus de l'intérieur de cette péninsule va nous aider à nous installer progressivement dans cette partie du monde. Alors pour soutenir les Nguyen, on va envoyer des marins déjà, et on en reparlera un peu plus loin, des marins bretons qui vont prendre des responsabilités pour certains d'entre eux dans la flotte qui va être créée, qui vont participer à créer cette flotte. J'ai découvert en lisant le catalogue de cette exposition très bien fait, donc j'ai découvert que on achetait en l'occurrence des bateaux au rebut, des bateaux européens, qu'on les démontait pièce à pièce, qu'on faisait refaire chacune de ces pièces par des chantiers navals qui s'installaient du côté de Saigon et qu'on reconstruisait ainsi les deux bateaux. On avait donc deux bateaux jumeaux qui pouvaient faire une flotte assez importante qui va permettre au bout du compte aux Nguyen de l'emporter et d'avoir une politique, en l'occurrence l'empereur Jialong, qui est celui qui se monte sur le trône en 1802, va avoir une politique relativement favorable à la France jusqu'à la fin de son règne, c'est ça ? Tout à fait. En fait, il y a énormément de conseillers militaires qui ont été amenés de France par Pinault de Béhaine, et donc ils vont être les conseillers militaires de cette cour, à la fois sur mer avec donc une création d'une flotte, et sur terre avec la création, avec un transfert de, entre guillemets, transfert, comme on pourrait appeler aujourd'hui, un transfert de technologie, où on initie en fait les responsables de l'administration, les responsables militaires locaux à la stratégie, au savoir-faire français. C'est par exemple la construction de la citadelle de Saigon qui se fait à partir des plans classiques de Vauban, celle de Natrang aussi. Après, progressivement, la maîtrise des technologies par les autochtones sera totale, et eux continueront à construire des forteresses en s'inspirant des plans français. Idem pour la flotte. Donc il y a vraiment une aide importante que la France apporte à cette partie du monde. Alors ça, c'est intéressant parce que ça veut dire que lorsque les Français vont définitivement arriver dans cette région du monde, ils vont se retrouver confrontés à des ouvrages militaires, à des flottes qui ressemblent aux flottes qu'ils ont eux-mêmes pratiquées. Donc, d'une certaine façon, une impression de proximité, mais de trouble aussi lié évidemment à des adaptations locales à cette architecture navale ou à cette architecture des forts. Tout à fait. C'est-à-dire qu'on va, quand par exemple on évoquera la prise de Thuyen Quan ou le siège de Thuyen Quan, Thuyen Quan est construit, la forteresse est construite d'après les plans français. Donc on est entre guillemets dans un pays qu'on maîtrise déjà avant d'y arriver. On va donc avancer un peu plus loin dans cette exposition pour évoquer justement ce moment très particulier de la conquête indochinoise. On se rapproche donc de cette partie plus grande de cette exposition. On a des projets de ville ici qu'on va peut-être décrire avec vous, Christophe Bertrand. Pouvez-vous nous expliquer, Christophe Bertrand, ce qui déclenche cette conquête donc des années 1850 ? Alors, ce sont à la fois comme les intérêts économiques, comme je vous l'ai dit, la présence anglaise en Chine, notre volonté de nous installer avec les Anglais en Chine, notre volonté aussi de trouver des points d'appui importants dans cette grande zone qui est le sud-est asiatique. Donc l'Indochine est une, entre guillemets, une terre vierge. Certes, il y a eu quelques Portugais, Espagnols qui ont tenté de s'installer, mais il n'y a pas de présence importante européenne. Donc c'est un territoire que la France peut occuper. C'est aussi, comme vous l'évoquiez tout à l'heure, après le règne de Jialong, un règne favorable à la présence française, son successeur, Tuduc, lui, va fermer les portes et va engager une répression importante contre les chrétiens. Donc il y a un mouvement qui se produit en France de soutien à ces chrétiens qui va à la fois gagner une partie de la population et surtout gagner les élites autour de Napoléon III qui vont favoriser donc cette intervention. Avec des phrases du type « ouvrir aux confins de la Chine une voie nouvelle à la civilisation » et au commerce de l'Occident, faire respecter les missionnaires chrétiens et leurs disciples. Donc on voit bien qu'il y a une dimension à la fois chrétienne, un peu comme dans les expéditions au Liban qui datent de la même période de Napoléon III, mais également une dimension commerciale importante et cette idée d'une civilisation qui va aller aux confins de la Chine. Et ça, je pense que c'est important de s'imaginer qu'on va aux confins de la Chine parce qu'on sait très bien que la Chine est effectivement un empire plus important et que peut-être un jour elle pourra tomber dans une escarcelle européenne. C'est toujours en fait notre présence en Indochine s'explique par notre volonté d'intégrer la Chine, d'ouvrir le marché chinois. On intervient avec les Anglais, avec les différentes guerres de l'opium pour essayer d'ouvrir, de pénétrer dans le marché chinois. Donc on y arrive plus ou moins et on se déporte en fait parce que c'est la flotte qui est chargée de mener l'expédition contre la Chine qui va mener les premières opérations militaires et la prise de Saïgon. D'ailleurs, quand vous parlez de flotte, Christophe Bertrand, il y a deux portraits des premiers gouverneurs en fait sur place, qui sont en fait des amiraux. C'est la marine qui gouverne sur place. Alors pourquoi la marine ? Parce que la marine est à la fois c'est le ministère de la marine et des colonies. Donc tout ce qui est outre-mer appartient au domaine, depuis Colbert, appartient au domaine de la marine. Et le ministre de la marine et des colonies, c'est Chasseloup Loba, qui joue un rôle important auprès de Napoléon III. C'est lui qui va pousser Napoléon III à intervenir dans cette partie du monde, même s'il y a une délégation vietnamienne qui va essayer de renverser un petit peu cette logique en se déplaçant en France, en essayant d'obliger la France à revoir sa politique. Napoléon III va être un peu sensible à cette démarche, mais Chasseloup Loba va toujours essayer de lui imposer un petit peu cette conquête cochinchinoise, parce qu'au départ on est centré sur la Cochinchine, et donc d'où le rôle important des amiraux, puisque c'est eux qui vont être les gouverneurs jusqu'en 1873 de cette partie du monde. Il faudra attendre donc la Troisième République pour voir arriver le premier gouverneur civil qui est le émir de Villers, qui est lui-même un fils de marin et qui est aussi lieutenant de vaisseau de réserve. Pardon. Alors, on va se déplacer un tout petit peu dans cette exposition avec vous, Christophe Bertrand, pour regarder quelques plans, parce que tout compte fait, on va s'installer, mais on ne connaît pas très bien ce pays dans lequel on va s'installer. Certes, les jésuites l'ont déjà cartographié, certes, on a déjà une connaissance un peu ethnographique des religions, de la façon dont ces pays sont gouvernés sous les empereurs vietnamiens, mais néanmoins on ne le connaît pas bien. Et donc on va évidemment, comme souvent en termes de colonisation, imaginer de plaquer des villes européennes sur ces villes qu'on connaît mal. On a ici un plan assez formidable qui date de 1862, un projet de ville de 500 000 âmes à Saïgon, donc extrêmement fragile. Il a été marouflé pour pouvoir le conserver. Et donc il nous décrit l'arroyo de l'Avalanche, la rivière de Saïgon, l'arroyo chinois. Il trace, un peu comme on pourrait le faire pour une ville européenne de l'époque, de grandes et de larges avenues, des mailles qui sont un peu réparties un peu partout le long de cette rivière de Saïgon, avec un fortin de style Vauban au milieu, un arsenal. Qui veut faire cela? Est-ce qu'on a le début d'une réalisation de ce type de ville, en l'occurrence, après la conquête de la Cochinchine et de Saïgon, Christophe Bertrand? Alors en fait, ce plan, c'est une partie d'un immense plan donc, de projet, comme vous venez de le dire, de Saïgon, donc, qui se trouve au service historique de la Défense. Donc il y a une volonté d'installer, puisqu'on va s'installer pour une durée assez importante. Donc il faut construire, dans un premier temps, des infrastructures qui puissent permettre d'accueillir les marins, l'ensemble de la flotte, c'est-à-dire avec les bateaux, les troupes. Et on anticipe en pensant que cette colonie est une colonie comme les autres, une colonie qui sera exploitée. Donc il faut créer des infrastructures, il faut permettre à une population française plus importante de venir s'installer. Donc on imagine, donc là c'est un officier du génie, un colonel de l'armée de terre, qui imagine un plan idéal d'une ville, une ville européenne qui viendra se plaquer sur la ville traditionnelle de Saïgon, puisqu'on respectera en fait la partie traditionnelle autour de la citadelle, et on respectera aussi la partie de Cholon, qui est la banlieue sud de Saïgon, où il y a une forte communauté chinoise. Alors, ce qui est intéressant, c'est que la légende nous dit bien qui est l'auteur, d'une certaine façon, et la volonté de cet auteur, puisque tous les endroits qui sont marqués sur ce plan sont gouvernement, administration, caserne des troupes indigènes, caserne des troupes de cavalerie, caserne des troupes d'infanterie de marine, champ de manœuvre, cimetière, prison, avec effectivement le magasin général, les subsistances, les camps des lettrés, les constructions navales, et pour finir, la cathédrale. Donc on est bien dans une ville européenne, mais une ville militaire européenne. Au départ, c'est une on s'installe d'abord, on construit pour accueillir des troupes, pour accueillir la flotte. Après, progressivement, comme je vous l'ai dit, on va anticiper et on accueillera des futurs colons. Mais au départ, c'est fournir une infrastructure pour qu'un contingent, un corps expéditionnaire puisse vivre, puisse combattre sur place. Ça a été construit? Une partie des sites que vous avez évoqués ont été construits, mais après, la façon dont cet auteur avait imaginé le Saïgon futur a en partie été respectée, mais on est quand même dans une configuration moins ambitieuse. Là, Christophe Bertrand, on parle beaucoup donc de l'implantation évidemment des Français sur place et la population locale. Alors, comment réagit-elle à la fois la collaboration, comment se fait-elle? Quel est le discours également de la France à son égard? Et puis, il y a quand même des rébellions. Enfin, il y a quand même des opposants aussi. Enfin, juste derrière, il y a le témoignage, il y a des tampons de chefs rebelles. Donc, c'est aussi ça que vous exposez ici. Ce qu'on en cherche, c'est un petit peu d'expliquer un petit peu le fait militaire et comment l'armée a pu, dans un premier temps, puisque c'est elle qui est présente sur le terrain, gérer, organiser et administrer cette partie du monde. Donc il y a toujours eu une opposition entre deux écoles, c'est-à-dire soit on gouverne de manière directe, c'est-à-dire que c'est nous qui menons, qui mène la danse. Ou de manière indirecte, c'est-à-dire qu'on tient compte de l'élite locale qui est présente, les mandarins, des chefs de district. Et on l'associe donc à cette administration du territoire. Bon, dans un premier temps, en fait, ça sera toujours le balancier du début jusqu'à la fin de la guerre d'Indochine entre association, assimilation. Dans un premier temps, on est dans une gestion indirecte avec l'amiral Bonnard, qui est un petit peu l'investigateur de cette politique indigène. La période des royaumes arabes, où on essaye de donner une autonomie importante. Et en même temps, il faut replacer un petit peu le contexte dans une société qui est fragilisée, qui a été fragilisée, qui a connu des guerres civiles, avec des oppositions fortes, oppositions politiques, des oppositions ethniques. Donc, on bénéficie aussi de l'aide, de la coopération d'une partie de l'élite qui n'a pas été satisfaite de la gestion par les empereurs de cette partie du Vietnam. Donc, ils nous aident. Et bien entendu, il y en a d'autres qui vont se rébeller. Il y a une grande rébellion à partir entre 1862 et 1863 qui va entraîner une modification dans la gestion. C'est-à-dire qu'on va basculer dans une gestion un peu plus directe. C'est-à-dire qu'on va remplacer des mandarins par des officiers des affaires indigènes qui vont gérer à leur place les différentes districts de la Cochinchine, parce que la Cochinchine a commencé à être partagée en différentes districts gérés par un officier des affaires indigènes. Et là, vous avez par exemple exposé justement le cachet d'un chef rebelle qui a été pris lors de l'expédition donc en 1864. Donc c'est aussi des objets qui ont été après, qui se sont appropriés les colons, évidemment. Oui, tout à fait. Alors à la fois, ce sont des prises de guerre qui sont soit récupérées par l'institution, soit récupérées par, individuellement par les officiers ou les soldats du corps expéditionnaire, et qui maintenant permettent, parce qu'on a très peu de témoignages physiques de cette période-là, qui permettent de redonner un petit peu de contenu, de matérialité à cette opposition, qui a été une opposition assez, assez forte. Réelle, quoi. Oui. Alors, c'est pas difficile dans un musée de l'armée, qui est théoriquement là pour glorifier les faits militaires de la France, en l'occurrence, de montrer les résistances, les oppositions. Il y a même ici même une vitrine entièrement consacrée à ces résistances, pacification de l'Indochine, la mise en place de l'ordre colonial, les mouvements de résistance, les guérillas et la piraterie. Qu'est-ce qu'on vous en dit de cela, en l'occurrence, Christophe Bertrand ? Alors, oui, c'est vrai qu'on a changé, mais bon, le discours n'a pas changé de manière brutale. Il s'est fait progressivement. Maintenant, on est dans une phase où on essaye au musée de l'armée d'expliquer un petit peu le fait militaire, pourquoi on engage des militaires sur un territoire, les raisons politiques, la manière dont après ces militaires vont gérer, vont se battre. Donc, la meilleure façon, c'est d'expliquer l'opposition, c'est-à-dire on est là pour expliquer l'affrontement de deux volontés, une volonté française de coloniser et une volonté vietnamienne de s'opposer à cette colonisation. Donc on réintroduit ces objets en expliquant en fait le point de vue et l'action de l'adversaire. Donc à chaque fois, c'est essayer de trouver un équilibre entre deux volontés qui sont affrontées à un moment donné sur un territoire donné. Alors ce territoire, il s'agrandit puisque nous avons insensiblement, en faisant quelques pas, nous sommes passés de la Cochinchine française au Tonkin français, donc la conquête du Tonkin pendant la période donc de la Troisième République, une période qui est importante puisque cela va donner lieu d'abord à l'agrandissement du territoire français dans cette partie du monde, mais aussi à des débats importants entre les principaux républicains de l'époque sur la nécessité ou non de pratiquer ces conquêtes, de les agrandir, et aussi le type de gouvernement qu'il faut leur appliquer. Alors on est, avec la Troisième République, en fait, on n'est pas dans une rupture, même si au départ, la Troisième République se cherche un petit peu et se pose la question sur l'héritage colonial du Second Empire. Et progressivement, en fait, il y a une récupération de cet héritage. Et il y a un tableau très intéressant où on présente les différents délégués des colonies en 1892, où on voit tout cet héritage colonial qui débute avec l'Ancien Régime et qui se poursuit avec le Premier Empire d'une manière assez minime et qui continue avec le Second Empire. Donc la Troisième République se fait l'héritière de cette histoire et va la transformer. Il a l'idée, sorte en lui apportant une idéologie différente avec cette volonté d'apporter la civilisation à ces pays qui ne sont pas forcément civilisés mais qui ont un retard, et que ce retard, il faut qu'il soit comblé, et que la France a un rôle important pour combler ce retard. Alors, on avance un peu dans cette exposition avec vous, Christophe Bertrand, et on va justement sur cette période de la fin du 19e siècle, période de débats, de discussions entre Européens et Vietnamiens, Annamites, Tonkinois, Indochinois ou Cochinchinois. Donc là, on est dans une partie d'exposition intéressante puisqu'elle mêle à la fois des souvenirs de ceux qui ont pu se rendre sur place, médecins, militaires, etc., et également donc des croquis qui permettent d'apercevoir ce qu'était le type de vie, une sorte de vision un peu ethnographique aussi de cette partie du monde, et puis des objets qui sont représentés comme ici des chapeaux coniques pour hommes, donc portés par les gardes mandarinales par exemple et les ministres indigènes du Tonkin. Comment se fait ce mélange? Parce que vous nous avez expliqué au tout début de l'exposition qu'il n'y avait jamais eu un grand contingent de Français sur place, donc on pratique une administration directe, puis ensuite on va passer à une administration indirecte un peu plus tard. Mais comment se fait ce mélange? Qui sont et où sont installés les Européens? Comment gouvernent-ils? Par qui passent-ils pour pouvoir justement gouverner ces territoires qu'ils viennent de conquérir? Alors, avec la Troisième République, c'est un gouvernement civil qui se charge de gérer la Indochine, et le rôle des militaires se fait à la marge. Mais il faut savoir quand même que on est dans une structure coloniale où, comme pour les Anglais, comme pour les autres pays européens, la colonisation passe avant tout par l'indigène. C'est-à-dire que en 1800, par exemple, il y a deux chiffres qui sont marquants. En 1885, dans les forces armées du corps expéditionnaire présent en Indochine, vous avez un Tonkinois pour deux Européens. Donc la majorité des troupes est constituée par des Européens. Et en 1892, à la fin presque de la pacification, on passe de trois Tonkinois pour un seul Européen. Donc il y a un basculement, c'est-à-dire que l'essentiel après de la gestion militaire de l'Indochine se fera à partir des troupes locales. Juste avant la guerre de 14, il y a à peu près 40 000 soldats. Sur ces 40 000 soldats, il y a 72% d'autochtones. Donc, comme pour l'ensemble des colonies européennes, la gestion, l'administration et l'organisation et la maîtrise de ce territoire passera par des régiments constitués d'autochtones. Mais toujours avec la raison européenne, c'est-à-dire il y a une partie de cette exposition qui est consacrée aux savoirs coloniaux, c'est-à-dire qu'on va cartographier, on va décrire ces territoires, on va décrire les mœurs de ses habitants pour pouvoir avoir une sorte de vision vue de haut. Et même très précise quand on descend dans les villages, de ce qu'est ce territoire et de comment on peut continuer à le préserver, le conserver en faveur de la France. Voilà, c'est à la fois il y a un intérêt scientifique pour cette partie du monde. Il y a aussi un intérêt stratégique, c'est-à-dire administratif, c'est-à-dire qu'il faut maîtriser parfaitement les territoires, il faut maîtriser parfaitement les hommes, il faut maîtriser parfaitement la civilisation, d'où ces études ethnographiques, d'où cette cartographie de plus en plus précise, d'où cette photographie complète de l'Indochine, une connaissance parfaite de la langue, une connaissance parfaite des codes, la traduction du code annamite par le commandant au Barret, les travaux menés par Lunet de la Jonquière, qui est un des personnages importants, qui va être le mettre à penser un petit peu de cette connaissance de la civilisation vietnamienne, puisque ces cours serviront toujours de référence jusque dans les années 45. Donc il y a une volonté de maîtriser le territoire, maîtriser les hommes, et en même temps on a affaire aussi quand même à des officiers, une partie de ces officiers qui sont passionnés par ce pays, parce que déjà aussi il reste très longtemps. Vous avez des officiers qui font une carrière complète en Indochine. Je pense par exemple à Francis Garnier, qui est un des personnages emblématiques de cette histoire, qui occupe différents postes, qui mène différents types d'actions. En particulier, il est un des explorateurs du Mékong et la redécouverte d'Angkor. Donc voilà, il y a une passion, et en même temps cette passion au service d'une politique, au service d'une stratégie. Le héros du livre Kampuchea de Patrick Deville en particulier. Ça, on comprend bien que même cette connaissance du territoire ethnologique, du quotidien, de la vie, elle est quand même menée par des militaires, parce que c'est soit des médecins militaires, soit certains militaires qui s'intéressent en l'occurrence à la civilisation artistique ou à la civilisation en général. Oui, au départ on a affaire qu'à des militaires. C'est ce qui fait un petit peu la différence avec la campagne d'Égypte, où là il y a une volonté aussi d'écrire l'Égypte, connaître les Égyptiens, mais là il y a des savants qui sont présents et qui c'est eux qui mènent le travail scientifique. En revanche, en Indochine, il n'y a pas eu un contingent de savants qui a accompagné donc le corps expéditionnaire. Donc ce sont des officiers, et en particulier à cette époque-là des officiers de marine, qui eux vont vraiment construire les débuts de ce savoir colonial qui va s'étoffer et qui va être progressivement récupéré par des scientifiques. Oui, alors on a oublié de parler de Pasteur et des pasteuriens, qui sont aussi au cœur d'autres ouvrages de Patrick Deville quand on parle de cette région du monde. Donc il y a la pacification, il y a toutes ces mémoires, pourrait-on dire, de militaires et de savants militaires qui sont sur place, qu'on voit ici dans ces vitrines. Et puis il y a aussi les épopées de Yersin et d'autres qui, évidemment, vont, en découvrant le bacille de la peste, sauver l'humanité en partant de ce territoire-là, qui vont devenir d'ailleurs des sortes de saints locaux pour certaines des religions sur place. Oui, et qui restent encore des figures emblématiques, reconnues par l'historiographie vietnamienne. C'est pourquoi il y a encore un institut Pasteur du côté de... Il y a les rues Victor Hugo. Donc, c'est l'aspect, entre guillemets, positif de la présence française. Voilà, c'est un terme qu'il faut éviter, mais je veux dire, c'est un terme qui est reconnu par les historiens vietnamiens, une reconnaissance, en fait, à la fois d'un savoir médical mis au service de la population locale, parce qu'en fait, les médecins sont là à la fois, dans un premier temps, pour protéger le corps expéditionnaire, mais après, pour protéger, en fait, pour essayer de protéger de manière plus large le corps expéditionnaire en soignant les gens. Alors, il ne faudrait pas croire non plus que les Européens qui viennent se fondent dans la population toujours, même s'il y a une mythologie de cela, la tonkinoise, mythologie de la femme en particulier, donc Annamite qui serait proche des soldats européens, mais ils transportent aussi une sorte de mode de vie. Eric Jennings vient de publier un livre sur Dalat, station climatique créée par les Européens. Eh bien, on va se faire une sorte de petite station comme on peut en avoir dans les montagnes chez nous, mais en Indochine pour... s'écarter des miasmes des rivages, pour monter en hauteur, etc. Donc on va recréer aussi une sorte de mode de vie à l'européenne pour les quelques poignées d'Européens qui sont sur place. Voilà, en fait, on adopte un petit peu le système britannique, puisque les Britanniques vont construire des stations balnéaires sur les contreforts de l'Himalaya pour échapper à certaines périodes un peu trop dures pour un Européen. Donc là, on refait la même chose. Donc Dalat est une station emblématique qui est construite au départ pour essayer de faciliter à un moment donné une vie d'Européens un peu mise en difficulté par un climat trop rugueux. Donc il y a aussi dans un premier temps cette volonté toujours de protéger les Français qui sont en Indochine. Alors après, ça a eu des effets positifs pour l'ensemble de la population, mais avant tout... Petite nuance sur l'expérience positive de la présence des Européens. Déplacer dans la dernière partie de cette exposition, en particulier la première partie de cette dernière partie. Je ne sais si les auditeurs peuvent nous suivre. En l'occurrence, dans cette période de l'entre-deux-guerres, où d'une certaine façon, Christophe Bertrand, les Européens finissent par découvrir cette région du monde, parce que tout ce dont on vient de parler, peu de Français, à la fin du 19e siècle, au début du 20e siècle, en ont véritablement connaissance. C'est une sorte de trou noir de la colonisation française, cette période, cette région-là, pour les Européens des années 1880-1900. Oui, en fait, oui et non, parce qu'il y a quand même une littérature, littérature coloniale qui est abondante. Il y a des récits, il y a des écrivains importants qui se déplacent, il y a des ouvrages de Pierre Loti qui font connaître un petit peu cette partie du monde. Non, je crois que cette partie du monde est toujours présente, même à cette époque, dans l'imaginaire, d'une sorte de pays exotique, différent, très lointain, mais qui est quand même avec certains mythes. Donc il y a quand même une connaissance, mais qui est un petit peu déformée par les Français de cette région. Alors, nous sommes donc dans la deuxième partie de cette exposition, Christophe Bertrand. Et on peut lire ici, donc ce qui concerne la scolarisation sur place, de l'œuvre scolaire de la France doivent sortir un jour les droits du citoyen indigène. Ce qu'il faut faire, c'est accorder à ceux que j'appelle les citoyens indigènes une extension sensible de leurs droits politiques dans la cité indigène. Alors ça va être une problématique qui va être discutée aussi, évidemment, en France. Quels droits donner aux indigènes ? Alors c'est toujours le même débat qui commence avec le début de la colonisation, qui va se poursuivre jusqu'à la fin. C'est-à-dire, c'est à la fois, soit on s'impose, on met de côté et on impose une chape sur une grande partie de cette population, parce que il faut savoir qu'il y a 30 000 Français pour 20 millions d'Indochinois. Ou c'est à chaque fois aussi la volonté de certains gouverneurs, et en particulier d'Apen Sao, d'ouvrir cette société colonisée à la société coloniale, en essayant progressivement de faire en sorte que le statut de l'indigène rejoigne le statut de l'européen. Mais il y a de tels freins qu'on n'arrivera jamais à trouver un compromis, entre guillemets. C'est le débat majeur de la colonie qui va entraîner, bien entendu, à partir de 1945, l'échec et puis le départ progressif des Français. C'est-à-dire qu'on est... voilà, on ne sait pas quoi faire en fait avec les indigènes. On les a toujours considérés depuis le début comme des personnes de second rang. Donc il est difficile de les ramener au même niveau, même si les choses évoluent. Il y a une volonté de former des élites. Il y a beaucoup d'Indochinois qui partent en France, qui sont formés. Il y en a certains qui sont formés à Polytechnique. Et quand ils reviennent en Indochine, autant en France, ils ont l'impression d'être en égalité avec les Français. Quand ils reviennent en Indochine, ils rebasculent et un polytechnicien se retrouve sur les ordres d'un Français qui n'a que le niveau, par exemple, BAC ou CAP. Et d'où la difficulté d'essayer de faire vivre, de faire cohabiter harmonieusement ces deux populations. Alors, vous avez évoqué la question de la formation. C'est une question importante parce que c'est une bonne manière, un bon thermomètre pour réfléchir à la question de l'égalité, justement. L'école, quel est le type d'école que les Français instaurent à partir de la conquête définitive du Tonkin à la fin du 19e siècle, et puisque dans la querelle entre Clémenceau et les autres républicains, il y a Jules Ferry, quelle vision a-t-on de cette école? Il y a des statuts particuliers? Qui a droit à l'école? Est-ce que tout le monde a droit à l'école? Est-ce qu'il y a des écoles qui sont à mi-chemin entre l'école française et l'école traditionnelle des Indochinois? Comment ça se passe, Christophe Bertrand? Alors, je ne suis pas un spécialiste de ces questions-là, mais je pense qu'il y a une volonté d'éduquer. Il y a des écoles qui ne sont pas forcément ouvertes à la majorité de la population, qui sont seulement ouvertes à une partie de l'élite indochinoise qui est présente dans les villes. L'élite indochinoise est chinoise, puisqu'il y a une forte population chinoise. Donc, il y a cette volonté d'apporter, comme pour les Français, une éducation. Mais, je vous l'ai dit tout à l'heure en citant cet exemple, de ces polytechniciens, c'est-à-dire qu'à un moment donné, ils ont cette formation, ils ont cette qui est équivalente à celle des Français, mais ils se heurtent après à l'administration coloniale qui refuse d'accorder les mêmes droits et les mêmes postes à des Indochinois qu'à des Français. Et c'est eux qui formeront ensuite, en fait, les rebelles et les anticolonialistes sur place. Enfin, voilà, c'est tout à fait. C'est-à-dire toute la génération qui va mener la lutte contre les Français à partir de 1945, Ho Chi Minh, Giap. Giap est un pur produit de l'école française. Donc ils vont être formés par les Français, par l'éducation française, ils vont être formés en France, ils vont être formés en Indochine, et ils vont constituer, à partir, comme je dis, 45, l'essentiel de l'élite qui va s'opposer à la France. Mais comment réagit par exemple l'institution mandarinale, qui était l'institution traditionnelle donc de cette région-là? On va donc privilégier d'autres types de promotions que les promotions traditionnelles liées à la famille, liées au clan, liées aux relations familiales, donc en privilégiant entre guillemets le mérite, supposé mérite républicain en l'occurrence. Donc on va chambouler aussi la façon de concevoir la société, de faire promouvoir des élites. Ces élites ne vont pas être les mêmes que si le système précolonial avait été maintenu, en l'occurrence, Christophe Bertrand. En fait, on retrouve un petit peu le schéma qui existait avant la présence française en Indochine. Je veux dire, le système mandarinal, c'est un système de méritocratie, c'est-à-dire qu'il y a des concours, donc tout le monde peut accéder, participer à ces concours, et tout le monde peut accéder aux fonctions de mandarin. Donc quand la France installe son système éducatif, elle ne fait que, entre guillemets, recopier un peu ce qui existait. Il n'y a pas un bouleversement dans les mentalités. Ho Chi Minh est un fils de mandarin. Giap n'est pas un fils de mandarin, mais lui aussi, je veux dire, cette éducation lui permet d'accéder à un certain niveau. Voilà, donc il y a un système qui est équivalent à celui de la France, où on va privilégier à la fois des élites traditionnelles et en même temps on va ouvrir cette éducation à d'autres populations. Alors, vous avez parlé tout à l'heure de ces récits qui avaient peuplé l'imaginaire des lecteurs français, des jeunes lecteurs français à la fin du 19e siècle. Il y a aussi les images, et dans cette exposition, il y a beaucoup d'images, des images en particulier comme celle-ci, assez remarquables, République française, ministère de la guerre. On voit un très beau militaire, fier de lui, le doigt et la main posés sur son ceinturon, la main droite dans la poche de son pantalon blanc. Il est tout habillé de blanc, il regarde une population annamite au bord du fleuve, et en dessous on voit engagez-vous, rengagez-vous dans les troupes coloniales. Donc il y a aussi cet imaginaire des images qui va passer par les expositions coloniales de 1906, de 1922 je crois, ou 21 à Marseille, de 1931 à Paris, qui va peupler aussi d'images les cerveaux des jeunes Européens à propos de cette très lointaine Indochine. Il faudra attendre ces grandes expositions coloniales, et en particulier particulier celle de 1931 à Paris, pour faire connaître la colonie aux Français. Et c'est vrai que c'est à travers aussi ces affiches d'engagement où l'on voit les stéréotypes de l'époque, c'est-à-dire qu'on part là-bas pour voyager, on part là-bas pour connaître d'autres pays, et à la fois d'être toujours dans une position dominante, d'être quelqu'un qui est au-dessus des personnages indigènes. Voilà. Et on a d'ailleurs aussi ici à côté, et ça c'est fort intéressant, caricatures issues de cette période-là, donc elles datent de 1930, de Moresco Molon, qui nous montre des caricatures donc de ce rapport entre soldats et population civile sur place. Ça s'appelle La vie militaire en Indochine. Donc on voit, on parle des fameux Nyakwe, ces indigènes, donc la vie des Nyakwe, donc la vie militaire en Indochine, avec beaucoup de mépris. Oui, en fait, on est dans une situation où le Français qui part en Indochine sera mieux considéré que s'il restait en France. Il a l'impression d'être un petit chef. On retrouve à travers ces caricatures, à travers les termes employés pour désigner les soldats indochinois. Et en même temps, il y a l'humiliation aussi, une certaine vision de ce que peut être l'humiliation des populations local par oui. Des gens qui arrivent de loin et qui n'ont peut-être pas les qualités pour pouvoir les diriger. Tout à fait, d'où comme je vous l'ai dit tout à l'heure, l'affrontement avec ces élites locales. Et en même temps, il y a dans l'institution militaire une volonté aussi de niveler un petit peu les différences. Un officier est là-bas, il sait qu'il a des troupes indigènes, mais elles sont considérées comme des troupes françaises. Oui, parce qu'on est passé par la Première Guerre mondiale et par les preuves de la Première Guerre mondiale. Oui, mais après, il y a aussi un système qui se produit, qu'on retrouve un peu partout, c'est-à-dire que même si l'officier français s'estime être différent, il y a quand même une sorte de camaraderie qui s'instaure, une sorte de lien important entre le soldat et l'officier. Alors, on n'ira pas jusqu'au bout de cette exposition avec vous, Christophe Bertrand, puisque le bout de cette exposition, c'est évidemment la fin de la présence française en Indochine, jusque dans les années 1950. On voit juste depuis là où nous sommes, une très grande affiche, Civilisation d'assassins, arrachons à la mort 52 révolutionnaires de Yenbe, un grand meeting. Et là, on voit bien effectivement que la contestation, en particulier liée au Parti communiste, une fois que les nationalistes indochinois auront perdu la main vis-à-vis des communistes à partir de 1930, cette contestation va monter jusqu'à la Seconde Guerre mondiale et la déclaration d'indépendance de l'immédiate après Seconde Guerre mondiale. C'est une autre histoire que nous raconterons dans d'autres émissions de la Fabrique de l'Histoire. Merci à vous de nous avoir guidés dans cette exposition qui dure jusqu'à quand ? Qui dure jusqu'au 26 janvier. Merci beaucoup. Voilà, il ne vous reste plus que quelques jours pour pouvoir vivre cette exposition donc au Musée de l'Armée. N'hésitez pas à aller la voir et donc à comprendre ce qu'était la présence française en Indochine. Demain, nous parlerons d'une autre période, la période qui précède justement l'arrivée des Français. Cette période du XVIIe et du XVIIIe siècle du côté de la péninsule indochinoise. Comme d'habitude, cette émission a été préparée par Claire Maillot, Aurélie Marcet et Marie-Bona Bolivier, à la technique Pierre Quintard, qui a enregistré sur place au Musée de l'Armée, à la réalisation Anne Fleury. À demain.